C'est la sonorité du bronze, le son d'une voix. Ce n'est pas ma voix que j'entends. J'ai la tête recouverte d'un drap. La souffrance m'a souri. Souffrance, comme un pléonasme, un marasme. Je ne suis pas crédible. Ce que je dis, je le pense. Ce que je dis, je suis. Je suis une tête. Je suis une chaise. Je suis le vent. Le rien que je fais. Cela que je souffre et cela que j'invente. Cela, ce qu'il y a entre les draps et le son de la voix. Cela, la danse que je danse sans que ma chaise ne se déplace. Cela, l'amour. Cela, l'espace qui sépare ma chaise de ton corps.